Je suivais donc la vieille princesse Bielokonski à mon corps défendant. La tête me tournait. Il me semblait que mes yeux étaient remplis d'une poussière fine et piquante. J'apercevais au loin la silhouette élégante d'Aglaé. Je sentais mon cœur battre à tout rompre. Craignant de surprendre un sourire moqueur sur les lèvres des invités, je finis par baisser les yeux. Et tout à coup, je ne sais pourquoi, je fis un mouvement brusque du bras et... horreur ! Un vase chinois très précieux, hissé sur un socle, dégringola par terre et s'éparpilla en mille morceaux sur le tapis voisin. Je ne saurais décrire ma confusion et mon désarroi, d'ailleurs, est-ce bien nécessaire ? Je dirais seulement que parmi les divers sentiments qui s'emparèrent de moi, ce ne fut ni la honte, ni le regret, ni la peur du scandale qui me frappèrent le plus, non. Ce fut le fait que la prophétie d'Aglaé s'était réalisée. Oh, je suis certaine que d'une façon ou d'une autre, vous finirez par casser le joli vase de maman. Et pas plus tard que demain, pendant la soirée organisée en votre honneur. Les paroles d'Aglaé résonnaient à mes oreilles. Moi-même, je me tenais immobile près du vase brisé, incapable de dire un mot ou de faire un geste. J'étais en proie à une terreur presque mystique. Je regardais en silence les domestiques ramasser les débris du vase. J'entendais les propos que les invités échangeaient entre eux. Et je ne réussissais pas à me tirer de ma torpeur. C'est alors qu'Elisabeth Prokofievna vint à moi. Que vous arrive-t-il, prince? Vous avez l'air si malheureux. On dirait que vous voulez d'enterrer père et mère. Je ne sais pas quel sentiment on éprouve lorsqu'on enterre ses parents, Elisabeth Prokofievna. J'ai perdu les miens étant enfant. Mais j'ai vraiment ressenti une grande douleur lorsque j'ai vu votre beau vase cassé en mille morceaux. Et par ma faute. Allons, allons, prince. Faites taire votre douleur et reprenez vos esprits. Un vase n'est qu'un vase. Alors, évidemment, il était très beau. Quand vous voyez, Elisabeth Prokofievna, vous regrettez votre vase. Je suis impardonnable. Vous êtes surtout ridicule, Léon Nikolaïevitch. Vous n'allez pas vous tracasser pour un pot d'argile. Non, allez plutôt complimenter Aglaé de sa toilette. Vous ne m'en voulez pas, Elisabeth Prokofievna? Vraiment pas? Oh, alors je respire. Je me sens léger, léger. Permettez-moi de vous embrasser. Ça suffit, prince. Vous me semblez bien agité. Asseyez-vous dans ce fauteuil et restez un peu tranquille. Nous irons voir Aglaé plus tard. Et vous, princesse, vous ne me gardez pas rancune non plus? Pourquoi vous garderais-je rancune, prince? Tiens, voilà que je commence à te vouvoyer. Oh, ton bavardage m'étourdit, prince. Assieds-toi dans ce fauteuil, te dis, et reste tranquille. Tu trembles et tes yeux brillent. Je n'ai vraiment froissé personne par mon geste malheureux, princesse. Mais non. Oh, mon Dieu, comme je suis heureux et comme je vous remercie qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, personne ici ne saurait m'en vouloir. Vous êtes tous des gens d'élite. Non, cessez de vous excuser, prince, et de nous remercier de je ne sais quoi. Si, je dois vous remercier, comte. Je m'exprime peut-être stupidement. Cependant, je ne peux m'empêcher de parler. Oui, il faut que je parle, ne serait-ce que par respect pour moi-même. Alors parle, mais doucement. Tout à l'heure, tu as commencé à crier. Fais attention. Mais oui, parlez, Léon Nikolaïevitch, si cela doit vous soulager. Mais prenez garde de ne pas vous exciter davantage. Merci, princesse. Merci, comte. Ouf, je sens bien que tout est en moi incohérent et fiévreux. Il est possible que les paroles que je prononce ne correspondent pas à ce que je veux dire. J'ai peur de vous induire en erreur, de me trahir moi-même. Je sottise que tout cela, prince. On ne se trahit que lorsqu'on dissimule quelque chose. Mais toi, tu ne dissimules rien, tout au contraire. Tu es trop franc. Ta franchise a même quelque chose d'indécent. Vraiment? Oh, j'en suis désolé. Cependant, je dois vous avouer encore une chose. J'ai pénétré ici, dans ce salon, le cœur triste. J'avais peur. J'avais peur de vous, de moi. De moi plus que de tout le reste. Je persiste à penser que tu ferais mieux de te taire, Léon Nikolaïevitch. Laisse-le donc parler à son aise, Elisabeth Prokofievna. D'ailleurs, que fais-tu ici? Tu es la maîtresse de maison, va t'occuper des invités. Je surveillerai le prince. Allez, va. Non, c'est bon, princesse, je m'en vais. Mais ne quittez pas des yeux, Léon Nikolaïevitch, je vous en prie. Sa nervosité m'inquiète. Écoutez, princesse, la bonne Elisabeth Prokofievna se fait des soucis à propos de ma santé. Elle a tort. Je ne me suis jamais si bien porté qu'en ce moment. Mais qu'est-ce que j'étais en... Ah oui. En revenant à Saint-Pétersbourg, je m'étais promis de faire connaissance avec les aristocrates russes. Ne suis-je pas moi-même russe et aristocrate par mes origines? Et voilà que ce soir, je me trouve parmi mes égaux. Et puis, prince, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. J'ai toujours entendu dire du mal de la noblesse russe. On lui reproche son égoïsme, son ignorance, ses idées rétrogrades. Hé, prince, tu n'y vas pas de main morte. J'appréhendais de rencontrer ce soir cette noblesse russe tant de fois décriée par ses ennemis. Est-ce vrai, me disais-je, que l'élite de la société russe ne vaille plus rien, qu'elle ait fait son temps et qu'à présent, elle doit céder la place aux hommes nouveaux? Aux hommes nouveaux, prince? Vous me faites rire. Oh ben nous, les nobles, nous serons bien obligés un jour de céder la place aux fonctionnaires d'État, aux marchands et peut-être même aux moujiks. Mais ce ne seront pas des hommes nouveaux. Je veux dire des hommes meilleurs que nous. Loin de là, voyons, n'ayant pas nos traditions, ils se montreront encore plus durs, plus cupides et plus arrogants que nous. Ah, tu n'as pas pu te retenir, hein, comte. Et tu nous as servi ton petit couplet. Laisse plutôt parler Léon Nikolaïevitch. Tu ne vois pas qu'il brûle d'envie de poursuivre, malheureux? Oh, je vous obéis, princesse, et je me tais. Merci, princesse. Merci, comte. Merci tous. Et qu'ai-je trouvé dans ce salon? Des hommes et des femmes distingués, intelligents et francs. Je vous ai trouvé, vous, princesse, qui m'avez immédiatement pris sous votre protection. Je vous ai trouvé, vous, comte, et vous m'avez offert de vous occuper de mon avenir. Et j'ai trouvé des dizaines d'autres personnes capables de comprendre et de pardonner. C'est bon, Léon Nikolaïevitch, c'est bon. Tu as dit ce que tu avais à dire, maintenant tais-toi. Tiens, prends un verre d'eau et bois, tu dois avoir soif. Oui, j'ai soif. J'ai soif d'épancher mon cœur. J'avais entendu dire, et je croyais, que dans ce qu'on appelle le monde, tout n'était que vanité, hypocrisie, félonie. Mais je vois à présent que ce n'est pas vrai. Mais je vous prie une fois de plus de vous calmer, mon cher. J'apprécie beaucoup votre jugement sur le monde, et en particulier sur nous, ses représentants. Cependant, j'aimerais... Que je me taise, comte, mais non, mais je ne peux pas me taire. Je ne veux pas me taire. Et cependant, hier encore, Aglaï Ivanovna m'a défendu de parler. Elle m'a même énuméré les sujets que je ne vais pas aborder en société si je ne voulais pas me montrer ridicule. Tu n'es pas ridicule, prince, tu es assommant. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de mettre un point final à tes discours incohérents. Regarde tous ces curieux que tu as réussi à attirer. Oh, taisez-vous, prince, et venez avec moi. Allez, venez dans ce petit salon. Alors, loin de toutes ces oreilles qui vous écoutent et de tous ces yeux qui vous épient. Mais non, mais attendez. Je vais leur dire deux mots à ces curieux. Je suis le prince Rishkin, un étranger parmi vous. Vous me considérez comme un idiot. Ne vous défendez pas, c'est vrai. Et je le suis par rapport à vous, les gens normaux. Cependant, renversant la barrière qui nous sépare, je viens vers vous porteur d'un message qui... D'un message que... Je me tue soudain, frappé par l'expression de peur peinte sur le visage de la princesse Bielokonski et sur celui du comte Briansky. Je regardais machinalement le visage des autres invités qui se pressaient maintenant autour de moi et j'y lus la même peur. J'en fus terrifié à mon tour. Alors je cherchais des yeux Aglaé. Mais au lieu d'Aglaé, j'aperçus caché derrière la colonne feu mon père. Il me fit un petit signe d'amitié et avança vers moi. Lorsqu'il fut tout près, il me murmura à l'oreille. Viens, tout est fini pour toi ici-bas. Une joie indicible s'empara de moi, tandis qu'un flot de lumière surnaturelle m'aveuglait. Je m'entendis pousser un cri inhumain et je m'écroulai au milieu de la salle. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Ginette Taffin, Aglaé, René Maupré, le comte Briansky, Yvette Morek, la princesse Bielokonski et Gaby Morlaix, la générale Yepanchin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.